14-31, observation. Formation de l'imparfait. Radical. Présent, nous avons. Imparfait, nous avions. Il avait. Les formes de l'imparfait, avions, avait, ont le même radical que la première personne du pluriel du présent. Avons. Cela est vrai de tous les verbes. À l'exception du verbe être. Si vous connaissez la première personne du pluriel du présent d'un verbe, vous pouvez prédire toutes les personnes de l'imparfait. À condition de connaître les terminaisons de l'imparfait. Pour cela, voir ci-dessous.